va fumer du porc, on va manger du shit. Plus le temps t'étonne pas qu'on sous-traite la violence. Et mes victimes t'expliqueront les dangers du crime. Cimetière de rappeur, véritable insolence. J'étale mon cosmos, les étoiles ils amènent. Au sommet de l'empire, Vivendi, l'heure de l'ombre et devine qui ramène. On pourra convaincre tout le monde qu'on a changé, mais jamais soi-même. Verse un peu de sang pour rougir le bouton. Hashtag loup-garou sous la peau de mouton. Quoi? Sous le masque du gentil Gamso, c'était moi. Tu prêtes pas l'allégeance, on t'arrache ta mère. C'est leur vol de mort, inutile de mentir. J'arrive sur l'industrie à dos de Pégase. Pour charmer les sorciers, boire le sang des vampires. Pardonnez les hobbies du haut de ma tour. Le contact à l'antimatière. Ramène pas les condés dans le four. Frère, on va piquer ta mère. Cartel de Cali, quelle boulette de shit on t'emporte à Gérone. Y'a qu'un seul parrain pour toute l'Italie. Au 33 du Rite et Cossé McLaren. Je suis l'abscis, désordonné. Scritchez moi-même pour glisser dans le panneau. Égorge un agneau, mesure la secousse. Un cercle un anneau pour les gouverner tous. J'ai lu mon avenir dans un litre. En famille qu'on saigne, en famille qu'on gagne. Choisis autre chose qui ne se rencontre pas. Je suis un kabyle, je viens des montagnes. Tiens, rafale dans Camille, son bois des cabistes, les abysses m'accompagnent. Patate en battant sans accessoire à route cap. Tombe sur ma liste, me réfère l'histoire, coup de pompe. Je vis sans coloris, des ennemis trop lents. Transact, brouiller le remix, faire le deal. Une baguette magique, un balai volant. Glock, GS, XR, 1000. J'ai dit en dolori, j'allume à vous touchant. Sous la lune, le couchant, j'ai les impacts au torse. Bonne manufacture, go go gadget, ton pompe, je produis transformer, c'est général mon torse. Et tôt ou tard, le prince devient l'ennemi du roi, je vais m'asseoir, mais t'as déconné. J'ai le goût du pouvoir du 8ème et tu croyais m'avoir, mais je suis désolé. Mon petit loup, reste pas là, ça devient chelou. Mon petit loup, éloigne-toi et un loup-garou. Mon petit loup, reste pas là, ça devient chelou. Je vais te briser le cou parce que la vie m'a mis des coups et j'arrête pas de me prendre la tête avec des gens qui pensent me connaître comme mes parents. Ouais, je suis pas où je manifeste peu d'amour, j'ai toujours pas trouvé les mots. C'est voilà oui ou voilà nous, du moins y'a quoi après la mort. C'est la foi que les dinero, c'est le uno mon numéro. Pour Adam, Adiolo, Foulo, on a commencé ça sous le dans le zoo. Évitez l'agence, ne viens mettez la zone, ça gratte à la maison. Ça devient très très grave, le démon se branle quand les hommes s'égarent. Restons sur nos gardes, je pense pas qu'on soit dans un sketch de garde. Tu t'appelles Agathe, laisse-moi te dire que les câlins ça me gave. Les hommes même voir que les jambes s'écartent et que tout se gâte comme Agathe s'égate. Ok, dis-moi qu'est-ce tu veux, à défaut de te dire encore et qu'est-ce tu vaux. Un peu d'oseille pour éprouver ta go. Dégager le passage, voilà Gustavo. On va pas se mytho, dire que tout est beau. Je te dirai quitter si tu vides tes poches. Allez, manque de peau, tu t'appelles Sacco. Et là, forcément, c'est la classe éco. Je n'ai jamais baissé mon pantalon, je n'ai jamais mis du talon. Je veux te casser les phalanges, tu verras comment c'est marrant. Je suis collé comme un étalon, le baron daron des darons. Est-ce que tu me suis? Viens, on parle sur WhatsApp. Je suis sur écoute, mieux vaut chuchoter. Le manager anticipé que la petite garce allait screenshoter. Eh oh, c'est moi, celui que l'assassin ne peut plus payer. Français, française, j'arrive en paix, 190K sur le poignet. T'es venu au monde avant la honte. Je te donne l'heure, tu veux prendre la montre. Les Viners deviennent des chanteurs, on va pas gêner comme chez les Jenner. À 32 piges, t'es pas zépo. T'as peur de prendre une parigo. Deux gosses plus tard, tout à coup elle t'apprend que c'est une prostituée de Pizza Pino. Ils veulent m'épiller, m'piller, me voir, me déshabiller, m'siller. Car ils pensent que les billets de la NBA posaient chez WAM côté cheminée. Ah, comme quoi faut se méfier, t'y es pas du tout, c'est bon putain de métier. Veuillez reculer, vous recroqueviller sur vous, car vous n'êtes même pas convié. Je ne cesse d'enquiller, plier, demande aux antillais. Je suis un mec trop pantillé, puis ferme ta gueule pendant que t'y es. Tu marches sur mon putain de sentier, tu pensais pouvoir t'en tirer. Je vais t'attirer, ton terre te tartelé. En tarteré, 93, 12 et sonne, tarteré. mon petit loup, reste pas là, ça devient chelou. Mon petit loup, éloigne-toi et un loup-garou. Mon petit loup, reste pas là, ça devient chelou.